Salut, je m'appelle Aïcha. Et toi? Moi, c'est Bruno. Dis, tu connais l'étudiant blond là-bas? Le garçon à côté de la porte, le grand? Oui, il est très sympa. Et les deux filles aussi. Et la prof, tu la connais? Aussi, oui. Elle est belge. Elle est très amusante. Hé, regarde! Qui est-ce? C'est la prof? Bonsoir, je me présente, je suis Madame Berthier. Je suis votre professeur et je suis très contente de vous connaître. Et vous? Qui êtes-vous?